Vous écoutez CKRL 89.1, Valérie Levé au micro, et Futur Simple se poursuit sur un vaste sujet, celui de la pensée critique. Nous sommes tous ensevelis sous une avalanche d'informations. Sur Internet, c'est très facile de trouver des réponses à nos questions, mais c'est pas facile d'évaluer la véracité de ces réponses. Et c'est là qu'arrive la pensée critique. Et il existe des outils pour nous aider à appliquer cette fameuse pensée critique. Il existe même un livre intitulé Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique, un livre paru récemment aux Presses du Méritien, et son auteur est Anthony Bertrand Grenier. Bonjour Anthony. Bonjour Valérie. Alors Anthony, vous êtes docteur en physique médicale, vous êtes aussi professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc vous exercez dans cette discipline du génie physique médical, mais vous avez entrepris un doctorat en épistémologie. Alors là, j'ai deux questions là. D'abord, l'épistémologie, qu'est-ce que c'est et pourquoi ce virage de la physique médicale vers l'épistémologie, qui sont quand même assez différents a priori? Oui, absolument. Ben, en fait, l'épistémologie questionne les méthodes pour acquérir des connaissances. Et aussi étrange que ça puisse paraître, j'en ai plus appris sur la science en étudiant en épistémologie qu'en étudiant en science. Parce que l'épistémologie questionne les méthodes, notamment comme la science. Donc, je me suis toujours intéressé à comment s'assurer que ce qu'on pense est vrai. Qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce qu'une connaissance? Comment s'assurer que vraiment on atteint la vérité si on peut? Et l'épistémologie aide dans ce sens. Donc, oui, étudier en science, ça m'a aidé beaucoup, mais l'épistémologie, encore plus, je dirais, c'est, je dirais, ma passion actuelle d'acquérir des connaissances, je dirais. Ok, donc d'accord. Donc en physique médicale, vous avez appris sur la physique médicale, mais en épistémologie, vous apprenez sur la science, sur le concept de science et comment s'acquiert les Exactement. connaissances scientifiques et Oui, comment on tout à peut fait. évaluer la véracité ou la crédibilité de ces ou les remettre en question aussi. Mais Absolument. donc quand on a dit ça, bon, on s'aperçoit que quand même l'épistémologie, c'est quand même assez large. Donc plus précisément, sur quoi porte votre projet de recherche dans votre doctorat en épistémologie? Je m'intéresse surtout à la pensée critique, donc vraiment distinguer le vrai du faux et comment s'assurer que ce qu'on pense est une connaissance et non seulement une croyance. Puis pour aider les gens, si je peux dire, à prendre de meilleures décisions dans la vie, c'est pour m'aider moi, en fait, à prendre de meilleures décisions. C'est vraiment une passion pour moi, mais n'empêche que si je peux aider les autres, tant mieux. Et d'où le pourquoi j'ai écrit le livre. Et d'ailleurs, en fait, c'est que le premier article que j'ai envoyé, c'est qu'est-ce qu'un scientifique? On a vu beaucoup de pseudo-scientifiques dans les médias, particulièrement avec la COVID, là. Donc, je me suis intéressé à savoir qu'est-ce qu'un scientifique et comment reconnaître un vrai scientifique. Ce serait comme le premier article, si je pourrais dire, sur mon projet de recherche, si on pourrait dire. D'accord, mais alors comment on fait en fait des recherches en épistémologie dans ce cas-là? Est-ce qu'on se fonde sur des écrits précédents? Parce que finalement, c'est une réflexion, il n'y a pas vraiment d'expérience dans ce cas-là. Donc comment Ça dépend. on fait la Et recherche en épistémologie? on peut faire des expériences. On peut tenter, par exemple, on peut aller dans une classe d'étudiants et tenter d'introduire certains concepts d'épistémologie pour voir si leur croyance dans le paranormal va diminuer. Et ça l'a déjà été fait. Donc, il y a de l'épistémologie pratique, mais effectivement, des fois, moi, c'est moins pratique, si je peux dire. Il faut baser notre penser sur l'argumentation. Autrement dit, il faut que je sois en mesure, comme définir un scientifique, il faut que je sois en mesure de bien définir c'est quoi un scientifique et argumenter pourquoi c'est ça plutôt qu'autre chose. Donc oui, on peut le faire seulement avec la pensée et et je me base aussi sur des écrits d'autres philosophes, d'autres épistémologues, mais il y a aussi l'épistémologie pratique un petit peu qui se fait. C'est intéressant, ça serait curieux d'approfondir ce point-là. Comment... Donc là, vous avez donc un vaste livre, quand même 500 pages, c'est pas rien, et dans lequel vous présentez différents aspects, par exemple des outils pour distinguer le vrai du faux. Donc par exemple, on parle de biais cognitif, on parle aussi des arguments fallacieux. J'aimerais bien qu'on en voit quelques exemples ensemble pour qu'on se représente un petit peu ce que c'est. Oui, bien sûr. Biais cognitif, c'est un raccourci que notre cerveau prend pour prendre une décision rapidement. Je vais vous donner certains exemples comme les coûts irrécupérables. Ça, c'est un biais qui nous force à continuer un projet, sachant qu'on a investi du temps ou de l'argent dans ce projet-là. Donc, par exemple, on peut garder un objet qu'on n'utilise pas, juste sachant qu'on l'a payé cher. Donc, notre cerveau, il nous force à dire, non, non, je vais le garder, même vu que je l'ai payé cher. Ou on peut jouer à un jeu parce qu'on l'a payé ou parce que ça fait longtemps qu'on y a joué, même si ça ne nous tente pas d'y jouer. C'est comme si Ah ouais. on nous force à faire quelque chose. Un autre exemple, on va continuer d'écouter un film inintéressant, sachant qu'on a déjà écouté une bonne partie. Et ce Ouais. biais est encore plus fort au cinéma parce qu'on a payé notre Ah billet. Donc, on dit, moi, je vais rester. Mais en fait, la vraie solution, c'est de partir du cinéma parce que le film est inintéressant, là. oui. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que finalement ça nous concerne pas seulement dans la science, mais dans notre vie de tous les jours et on peut se dire bah effectivement, pourquoi continuer à regarder un film si c'est inintéressant? Mais il y a ça, on a déjà investi du temps, puis on se dit, bah, on ne veut pas perdre ce temps à investir, allons jusqu'au bout. Des fois qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à la fin. Et Exactement. Et en finalement. plus, c'est pire si c'est avec une grave conséquence. On peut penser à un président d'entreprise qui a investi 5 millions dans un Ouais, c'est ça. projet. Et là, le projet va tomber à l'eau. Il dit, ah non, je vais continuer d'investir des millions là-dedans. Alors qu'en fait, il faudrait qu'il change son projet. Donc, ce biais-là est Ouais. aussi présent vraiment partout, là, tous Dans les les billets ou à peu stratégies, près. ouais, ça, même des politiques finalement, Ah oh, des oui, stratégies absolument, absolument. politiques, on Oui, le voit absolument, quelquefois. absolument. Un autre exemple de biais, le Ouais. biais du survivant, mon préféré. Si on croise quelqu'un à l'épicerie qui nous dit qu'il a utilisé le pouvoir des cristaux pour guérir son cancer, ben, faut se dire qu'on croise un survivant. Parce qu'il y en a peut-être 10 000 qui ont essayé ça, puis il y en a 9 999 qui sont décédés. Ce que ça veut dire, c'est que ces 9 999-là, on va pas les croiser à Ah, c'est l'épicerie. ça. On va seulement croiser la personne qui nous dit que ça fonctionne, mais Ah c'est oui, normal. c'est... J'avais vu un autre exemple, c'est deux infirmières que j'avais vues à l'hôpital qui disaient, ah, tous ceux qui appellent InfoSanté vont à l'hôpital. Mais en fait, ces personnes-là, ils voient seulement les gens qui appellent Ah oui. InfoSanté et qui vont à l'hôpital. Ils voient pas ceux qui appellent InfoSanté et qui ne vont pas à l'hôpital. Ah C'est un ouais, biais de survivant encore. c'est Donc, un échantillon très biaisé, effectivement. oui, exact, mais on s'en rend pas compte et c'est comme ça, c'est normal de ne pas s'en rendre compte au Ouais. début, mais le fait d'en avoir conscience, ça nous permet de mieux les prévenir, si je peux dire. Mais c'est pas évident parce que finalement, c'est des situations tellement courantes et on est tellement pris par ces biais-là que même si on a connaissance de ces biais, est-ce qu'on peut réellement s'en rendre compte, être conscient de nos propres biais? On peut s'en rendre compte, mais pas nécessairement tout le temps, évidemment. Ouais. Mais le fait d'avoir, par exemple, donné beaucoup d'exemples dans le livre et sur des exemples quotidiens Ouais. vulgarisés, ça permet qu'on soit mieux en mesure de les prévenir, de les voir. Évidemment, c'est sûr que moi aussi, j'ai des biais et c'est sûr que je m'en rends pas tout le temps compte et c'est normal. Ouais, c'est intéressant de le reconnaître. Maintenant, Anthony, donc dans votre livre, il y a aussi les arguments fallacieux. Puis là, j'imagine que vous avez plein d'exemples également. Oui, il y en a énormément. Je vous dirais, l'appel à l'autorité, il est utilisé beaucoup, là. Donc, on cite quelqu'un qui a du prestige pour appuyer une Ah ouais. proposition. Comme par exemple, c'est sûr que si on cite un expert, c'est une chose, mais des fois, c'est comme si tu es un joueur de hockey parce qu'il utilise un déodorant, je suis pas mal sûr que le joueur de hockey, il sait pas nécessairement comment il est fabriqué le déodorant. Un médecin sur une question d'astrophysique ou même un président d'entreprise sur l'intelligence artificielle, on le voit souvent ces Ouais. temps-ci, là. Il faut faire attention. C'est correct de croire jusqu'à un certain point, mais si on s'intéresse à connaître et non seulement croire, ben il faut se concentrer sur le contenu et non le contenant. Donc, qu'est-ce que la personne dit et non qui le dit? Un autre exemple, c'est l'appel à la nature. On le voit beaucoup dans des produits, que ce soit dans des boutiques, que ce soit même à l'épicerie, ah, produits naturels. Ben en fait, naturel, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans la croyance populaire, naturel, ça veut dire c'est synonyme de pas dangereux. Mais, tu sais, se faire attaquer par un grizzly, c'est naturel. L'uranium Ouais. radioactif, c'est naturel. Donc, naturel, c'est un peu un mot fourre-tout pour dire que c'est sécuritaire, mais en fait, malheureusement, ça veut rien dire. Donc, c'est un argument fallacieux, si je peux dire, parce que ça appuie pas vraiment le produit qu'on regarde. Ouais, effectivement, je comprends. Mais d'un autre côté, les défenseurs de pseudomédecine vont dire, bah, vont prendre comme argument que les traitements sont vieux de 5000 ans et ils ont donc franchi les âges. Ils ont eu 5000 ans de validation finalement. Ils pourraient donner cet argument-là. Ben en fait, c'est un appel à la tradition. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on utilise quelque chose Ah. que nécessairement c'est bon. Il faut que ce soit approuvé par des preuves. Et ceux de pseudosciences, ben ça l'a toujours pas passé les tests de la science. Au final, une pseudoscience, c'est un peu ça. Ou pseudomédecine, c'est Ça n'a pas passé les tests de la science encore, donc c'est pas prouvé que ça fonctionne. Mais la personne devant nous, par exemple, nous revendique que ça fonctionne. Mais malheureusement, si jamais une pseudo-médecine fonctionne, elle va être automatiquement intégrée à la médecine. Mais Donc, si on continue à faire quelque chose et qu'on a dû voir que ça devait marcher, là je me fais un peu l'avocate du diable. Si on ben, je continue peux donner de beaucoup faire, d'exemples qui ne fonctionnent pas et que ça fait des milliers d'années qu'on utilise. Exemple, l'astrologie. L'astrologie, même il y a plus de 2000 ans, ça existe depuis vraiment longtemps, mais les planètes n'ont pas vraiment d'influence sur notre comportement, mis à part, hey, regarde telle planète. Même si ça fait longtemps que ça existe, il y a encore des gens qui y croient, mais ce n'est pas parce que c'est très ancien que c'est vrai. Il faut prouver que c'est vrai d'abord, et une fois que c'est prouvé, tant mieux, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, les gens, ils peuvent y croire s'ils veulent, mais c'est plus que c'est pas parce que c'est vieux que nécessairement c'est vrai. C'est un argument fallacieux. Donc il y a aussi donc là il y a quand même deux trois chapitres sur tous ces outils, les biais cognitifs, les arguments fallacieux. Il y a aussi d'autres outils dans votre livre qui nous informent plutôt des processus, donc les processus, comment fonctionne la science, comment fonctionnent les médias. Donc tout un chapitre par exemple sur la pensée critique, des outils qui révèlent la vérification des faits, la crédibilité de l'information. Donc, finalement, comment, quand on reçoit une information, quels sont les éléments auxquels on doit porter attention pour vérifier la qualité de la source ou la qualité de l'expert? Il y a aussi tout un chapitre sur ce sujet. Oui, il y a énormément d'informations, effectivement. Là, donc, ça me pourrait prendre des heures pour répondre, là, mais très vaguement, je mets, si on peut dire, une échelle de preuves. Donc, jusqu'à quel point on a besoin de preuves pour être en mesure que ce que la personne nous dit est vrai. Et on regarde notre petite échelle de preuves qui est dans le chapitre de pensée critique. Est-ce que c'est suffisant? Donc, la personne qui nous dit, mettons, moi, je vous dis que j'ai vu un chat ce matin, ben, mon témoignage pourrait être suffisant. Si je vous dis que j'ai vu un lion, ben là, vous allez me poser plus de questions. On va dire, ouais, là, Anthony, y a-tu un zoo dans le coin? Y a-tu quelque chose? Et si je dis, j'ai vu une licorne, ben, même si je vous amène une vidéo, vous n'allez pas me croire et c'est normal. Donc, dans le fond, il faut falloir que les preuves que j'amène soient proportionnelles à mon affirmation. Ce qui est le premier outil que je montre, c'est la balance de Sagan. Donc, ce que ça veut dire, c'est que avec ça, on est capable de vérifier les informations qui nous parviennent. C'est sûr, en utilisant tous les outils de pensée critique, les gens vont devenir des brutes à distinguer le vrai du faux, mais on peut utiliser certains outils de pensée critique comme ça, ne serait-ce que, un, d'abord, vérifier que la preuve est suffisante. Deux, vérifier la première source. Par exemple, si on lit dans le journal qui est écrit, peu importe, là, on a été sur la planète Vénus, comme ça. OK, ben, c'est quoi ces sources? OK. Donc, on va regarder les sources, on va s'assurer, on va remonter à la première source et on va vérifier si les preuves sont suffisantes. Puis j'explique justement dans le livre comment on est capable de s'assurer que les preuves sont suffisantes. Mais on n'a pas tous le niveau scientifique pour aller lire la source, les études scientifiques à la base, ou même le résumé de l'étude scientifique. Donc, c'est difficile, ça, d'évaluer la qualité de la preuve. C'est assez difficile, mais je vulgarise quand même dans le livre pour que toute personne soit quand même en mesure de bien comprendre l'essentiel. C'est sûr, on peut tous se faire avoir, mais n'empêche que j'ai vulgarisé de façon à ce que quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en sciences, qui s'y connaît pas du tout en pensée critique, puisse être en mesure de quand même bien vérifier les informations, ne serait-ce que même vérifier la qualité générale de l'article scientifique. Pas nécessairement de lire l'article. Je veux dire, moi, Ben si je non. lis un article en chimie poussée, je ne serais pas capable de comprendre. Mais n'empêche que je vais être capable d'analyser les fondements de l'article. De un, est-ce que c'est vraiment un article scientifique ou est-ce que c'est un journal prédateur qu'on appelle parce qu'il y a même une autre chose qui n'est pas, qui est de la pseudo-science aussi, justement. Mais n'empêche que les gens vont être en mesure de bien analyser l'information avec le livre. D'où le pourquoi le livre est quand même assez massif, malheureusement. Oui. Il est assez massif, mais il y a beaucoup d'exemples sous forme de dialogue. Donc, en fait, ça se lit Oui. quand même assez bien. On peut pas non plus faire peur aux gens. Il y a 500 pages, mais en fait, les Oui. pages passent assez vite parce que c'est écrit sous forme de bulles, questions-réponses avec des exemples assez concrets sur des situations qu'on pourrait tout à fait vivre. Donc, oui, il est dense, mais ça se lit quand même assez bien, faut le dire. Oui, ben en fait, je pourrais dire, j'ai écrit le livre, pourquoi c'est pour plusieurs raisons. Là, mais, un, je trouvais qu'il n'y avait pas de livre qui réunissait tous les concepts vraiment importants de la pensée critique. Il y a des livres sur les biais cognitifs, il y a des livres sur les arguments fallacieux, il y a des livres sur les techniques de manipulation, il y a des livres sur la pensée critique en général, il y a des livres sur la science. Mais il n'y avait pas un livre qui réunissait vraiment tout. Que les gens seraient en mesure de bien comprendre un livre vulgarisé que vraiment le commun des mortels peut comprendre, parce que j'ai lu des livres sur la science, ça n'a pas de sens, là. Il faut être un universitaire avancé pour être en mesure de comprendre un barberousse précis de philosophie des sciences, là. Pour vrai, là, c'est pas évident. Puis oui, c'est un livre qu'il y a beaucoup d'informations, mais j'ai vraiment pris des exemples du quotidien pour que ce soit vulgarisé, pour que n'importe qui puisse être en mesure de comprendre au moins 80-90% du livre. Justement parce que je veux que ce soit accessible aux gens. Je veux que la science, la pensée critique, les biais, ce soit accessible aux gens pour qu'ils soient en mesure de comprendre. D'où le pourquoi mes petits exemples du quotidien, des petites bulles de dialogue pour que les gens puissent se reconnaître. Parce que c'est une chose de définir c'est quoi un outil de pensée critique, mais il faut être en mesure de donner un exemple, quelques exemples qui utilisent ces outils-là. Oui, puis on n'en a pas parlé, mais il y a aussi quand même tout un chapitre aussi qui parle plus du de la processus de production scientifique. Donc d'abord, c'est quoi la science, la connaissance, les croyances, comment les scientifiques élaborent leur sujet de recherche, comment ils font leur recherche, le processus de publication, révision par les pairs. Donc on passe à travers tout ce processus-là, et c'est aussi ce qui permet de différencier la science et la pseudo-science finalement. Oui, absolument. Non D'ailleurs, c'est seulement. intéressant parce que c'est dans ce même chapitre que vous décrivez les principes ou les stratégies de la pseudoscience. Oui, absolument. Et les défauts de la Ouais, pseudoscience. pour les mettre en opposition. Oui, exact. Et ce que j'aime beaucoup de ce chapitre-là, c'est justement, j'aime le fait que j'ai pu quand même le vulgariser. Je donne des petits exemples, par exemple, je me rappelle d'avoir donné, ah, si je mets un produit pour les plantes, est-ce que les plantes vont pousser plus vite? Et là, le commun des mortels est quand même capable de comprendre ça. On n'a pas besoin de faire une expérience de chimie poussée ou de physique quantique qui n'a pas de bon sens. Non, non, on est capable tout à fait de faire de la science. Tout le monde peut faire de la science, là. Donc, j'aime pouvoir être en mesure d'avoir vulgarisé ça et a également montré la pseudo-science. Et aussi, si les gens sont capables de voir que comment ça se fait que la science, c'est une méthode fiable pour acquérir des connaissances? Parce que si notre intuition était vraiment une méthode fiable, on n'aurait pas besoin de la science au final. Mais on en a besoin justement, là, on parlait des biais cognitifs tantôt, justement pour éviter certains biais. C'est pour ça qu'il y a des lectures en double aveugle, par exemple, que on va. La personne qui va lire, qui va regarder, par exemple, si les plantes ont poussé, ce ne sera pas le même que celui qui a mis le produit dedans. Donc, la personne qui va lire ne va pas savoir quel produit qui a été utilisé pour vérifier si c'est vrai ou pas. Fait que on va éviter certains biais pour être en mesure d'avoir une meilleure accession à la vérité, si je peux dire. Se rapprocher mieux de la Se vérité que si. rapprocher. C'est ça, exact. Parce que comme on dit, en fait, la science, elle ne connaît pas la vérité, mais elle la cherche Elle, et oui, ça c'est se ça. On rapprocher. s'en rapproche. Peut-être qu'on l'atteint, on ne sait pas, mais on Ouais. tente de s'en rapprocher du moins. C'est ça, exactement. Mais quand même, vu que c'est quand même assez un livre assez touffu, puis qu'il y a beaucoup d'informations, en fait, par où on commence, en fait, parce qu'on pourrait être un peu dérouté. Est-ce qu'on peut piocher les chapitres un peu selon nos intérêts, ou est-ce qu'on Oui. doit le lire de la page 1 à la page 500? Par où on commence? Moi, je pense pas qu'il faut lire la page 1 à la page 500 d'un seul coup, du moins pas d'un seul coup, quoique mes deux relecteurs, ils l'ont fait. Donc, Ah, ils n'avaient j'ai pas le oh, choix. ouais, ils n'avaient pas le choix, mais eux ont trouvé ça vraiment intéressant comme ça. Mais on peut effectivement lire un chapitre, le plus important, le cœur du livre, c'est vraiment le chapitre de la pensée critique. Mais n'empêche, on peut lire ce qui nous intéresse d'abord. Il y en a qui vont adorer les biais cognitifs, il y en a qui vont adorer les arguments fallacieux. Mais on peut vraiment y aller un peu au hasard. C'est sûr, le chapitre de pensée critique, je vais faire des références à certains biais cognitifs ou à certaines techniques de manipulation, ce qui est normal, mais ce n'est pas trop grave. Moi, à mon avis, j'ai l'impression que le livre va être beaucoup lu aux toilettes, c'est-à-dire quelqu'un va lire deux, trois petites sections. Ensuite, il va être parti, il va s'en rappeler pour les prochains jours, il va relire deux, trois petites sections. Parce que la pensée critique, c'est un peu ça. Tu sais, on va lire. Un ou deux outils de pensée critique, puis on se dit, ah, OK, ben là, c'est ces deux-là que je vais utiliser cette semaine. Et c'est pas long à lire, ça prend moins de 5 minutes. Et une fois fait, on les utilise durant la semaine. Tantôt, j'ai utilisé la balance de Sagan, là, que l'épreuve doit être proportionnelle à l'affirmation. Mais on les utilise durant la semaine et justement, on va être en mesure de mieux en tant qu'individu de distinguer le vrai du faux. Et si en plus, on est capable d'intégrer tous ces outils-là au fil du temps, sur un an et après, les gens vont être des brutes à distinguer le vrai du faux, là. C'est. Ça exige quand même de vouloir faire un peu une sorte d'introspection sur soi-même, et d'accepter que certaines de ce qu'on pense être des connaissances n'en sont pas forcément, ou d'accepter de remettre en question ce qu'on croit pour vrai. Donc Oui. ça exige quand même un travail sur soi quand même. Tout à fait, tout à fait. Même pire que ça, je veux dire, je peux dire qu'en écrivant le livre, j'avais des fausses croyances que j'ai corrigées en écrivant le livre moi-même, là. Donc, il y a, On n'est pas à l'abri, même quand on on est, connaît, quand on ah est oui, conscient même, de tous ces biais, on n'est pas à l'abri nous-mêmes. on n'est pas à l'abri nous-mêmes. Ben, il y a le biais de croyance qui est qu'on veut. Est-ce qu'on est intéressé par la vérité ou est-ce qu'on est intéressé à croire vrai les idées qui nous plaisent? Ah oui. Très souvent, on est intéressé à croire vrai les idées qui nous plaisent et c'est normal. C'est juste que quand on connaît la vérité, oups, des fois la vérité, elle peut nous faire mal un petit peu, là. T'sais que si ça fait quelque chose, que ça fait 10 ans qu'on croit, on se dit, ben voyons, je l'utilise, comment ça se Oui. fait que c'est comme ça se peut pas. Mais c'est ça, il y a une période de remise en question, si on se remet en question, évidemment. Au début, il y a le déni, il y a le, bon, enfin, le petit classique. Mais oui, tout à fait. Et même moi, je veux dire, j'ai certainement encore plein de fausses croyances que. Dans le futur, je vais faire, ah, je croyais à ça, et puis finalement, je m'étais trompé. Donc, est-ce que je suis prêt à changer d'avis? Ça, c'est la question. Moi, je suis prêt à changer d'avis sur absolument tout, même tout ce que j'ai écrit dans Ah, ça c'est intéressant. le En tout cas, c'est un vaste sujet tout à fait passionnant que nous n'avons fait qu'effleurer, mais je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler pour nous concentrer peut-être sur quelques éléments, donc peut-être la pensée critique ou les biais cognitifs. Je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler, Anthony. Avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup, Anthony. Je rappelle que Anthony Bertrand Grenier est docteur en physique médicale et complète actuellement un deuxième doctorat en épistémologie. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple sera là la semaine prochaine avec une table ronde sur l'hydrogène naturel, donc cet hydrogène qui est dans le sol et que nous n'avons pas à produire. Et oui, cela existe, et je serai en table ronde avec des géologues de l'Institut national de la recherche scientifique pour nous en parler. Et c'est maintenant l'heure de vous laisser en compagnie de Calypso le Moine pour poursuivre votre soirée à l'écoute d'un aparté sur CKRL 89.1. Jurer pour la vie entière, ça me fait.